بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في المسألة الواحدة والسبعين. Nous sommes toujours dans la 71e مسألة. في قول الله عز وجل قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. Il dit que le feu, dans le sens que le feu sera votre abri, votre refuge éternellement dedans, sauf que Allah aura voulu. Dans les An'am, verset 128. Donc on avait cité que le verset et d'autres, et ainsi que des affaires de sahaba, laissent entendre que le châtiment du feu cessera. Donc on avait dit que déjà ces affaires de sahaba ne sont pas authentiques, et celui qui s'avérait authentique, ou l'interprétation à faire authentique, c'est que cela serait valable, cela était vrai, cela serait valable pour les gens de la Ummah qui seraient des mouahidines, qui auraient fait des péchés, qui méritaient le châtiment du feu. ثم قال رحمه الله تعالى, on poursuit. ويدوحه أن المقام لا يخلو من إحدى أو إحدى خمس حالات بالتقسيم الصحيح وغيرها راجع إليها. Donc il dit maintenant, cela a été classé par le fait que cette masse, Alala, elle est basée sur cinq situations, cinq vraies situations sur lesquelles on se base, et toutes les autres ne sont que des branches. Elles reviennent toutes à ces cinq-là. الأولى أن يقال بفناء النار وأن استراحتهم من العذاب بسبب فنائها. Donc premier call, ce serait de dire que le feu va s'éteindre et qu'ils seront soulagés de son châtiment du fait qu'elle s'éteindra. Ça c'est une situation. ثانية أن يقال أنهم ماتوا وهي باقية. Ou alors on dira qu'ils vont finir par mourir et que le feu perdurera, continuera. ثالثة أن يقال إنهم أخرجوا منها وهي باقية. Troisième situation, qu'on dirait qu'on les sortira du feu. Là on parle des koufars, de ceux qui sont censés rester dans le feu éternellement. On les sortira du feu, d'accord, ils sont sortis du feu et que le feu demeurera. الرابعة أن يقال أنهم باقون فيها إلا أن العذاب يخف عليهم. Ou alors, quatrième situation, qu'ils resteront dans le feu, mais que le châtiment sera amoindri, sera allégé sur eux. قال وذهب العذاب رأسا واستلاحته لذة لم يذكرها من الأقسام. لم نذكرها من الأقسام لأن نقيم البرهان على نفي تخفيف العذاب ونفي تخفيفه يلزمه نفي ذهابه واستلاحة اللذة فاكتفينا به لدلالة نفي على نفيهما. Donc il dit, quant au fait, c'est-à-dire ce qui pourrait être la cinquième situation, c'est le fait que, de dire que le châtiment va cesser totalement, totalement, et que eux-mêmes ne subiront plus de châtiment et que le feu s'éteindra totalement. Donc il a dit, celui-là, on ne le cite pas parmi ces aqsam, parmi ces cinq aqsam, du fait qu'on va prouver clairement que cela n'est pas possible, du moins qu'il n'est pas possible que le châtiment soit allégé, d'accord, que le razab soit allégé. Et si le azab ne peut être allégé, alors qu'en est-il de dire qu'il cessera? Donc il dit en fait, le fait de citer cela ne servira à rien. Car ce sont ce qu'on va réfuter, dans même en soi-même sans réfutation pour ce cinquième qism. Naam. Qala, wa kullu hadhihi al-aqsam al-arba'atu yadullu al-Qur'an ala butlanihi. Donc il dit, tous ces aqsam qu'il vient de citer, ces catégories, sont toutes réfutées par le Qur'an. Qala, amma fana'uha فنص تعالى على عدمه بقوله كلما خبت زدناهم سعيرا. Donc quand au fait de dire que elle va s'éteindre, que le feu va s'éteindre, il dit, le Coran dit tout à fait le contraire, dans le sens où Allah dit que à chaque fois que le feu s'affaiblira, on lui rajoutera une flamme ardente. Le voyage nocturne, verset 97. كذلك في قوله تعالى إلا ما شاء ربك في خلود أهل الجنة وخلود أهل النار. ويتبين عدم الانقطاع في خلود أهل الجنة بقوله عطاء غير مجذوب. Donc également, quand Allah dit que hormis ce que ton Seigneur aura voulu, c'est-à-dire dans l'éternité des gens du paradis et l'éternité des gens du feu. Donc cela démontre quoi? Qu'il n'y aura pas. Qu'il s'agisse des gens du paradis ou du feu, il n'y aura pas d'interruption. Cela sera continu. Comme le prouvent les hadiths des gens du Jannah, lorsque Allah dit un don, d'accord, un don ininterrompu, surat Hud, verset 108. Et voici notre subsistance, elle n'a pas de fin. Surat Sad, verset 54. Ce qui est auprès de vous s'épuisera, et ce qui est auprès d'Allah continue. Nah, les abeilles, verset 96. وَبَيِّنَ عَدَمَ الْكِتَابِ فِي خُلُودِ أَلِ النَّارِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى. Et qu'il a déjà démontré les versets qui démontre que les gens du feu, leur châtiment ne sera ininterrompu. Donc ceux qui disent que le feu finira par s'affaiblir et qu'il n'y aura pas d'ajout par la suite, on les réfute par ce genre de verset-là. Car dans le Coran, Allah, il a dit quoi ? Kullama, ce qui veut dire à chaque fois. Dans le verset, il dit bien Kullama khabat zidnahum sa'ira. À chaque fois qu'elle s'affaiblira, nous rajouterons une flamme ardente. Donc Kullama, ça veut dire quoi ? C'est une chose qui sera continue. À chaque fois, à chaque fois. Qala. Donc ça, c'était la réponse au premier wajh. Que le feu ne s'éteindra pas. Deuxième, le fait de dire qu'ils finiront par mourir. Le Coran est déjà venu pour montrer le contraire de cela. Fikullahi azawajal, la yugdo alayhim fayamoto. Que nous ne les achevons pas, car pour ne pas qu'ils meurent. Surat Fatir, créateur, verset 36. Donc là, il dit la yugdo alayhim fayamoto. Nous ne les achevons pas pour ne pas qu'ils meurent, justement. وقوله لا يموت فيها ولا يحيى سورة طه 73 ou 74 qu'il dans le feu ni ne meurt ni ne vit, celui qui est dans le feu il n'est ni vivant ni mort. Et sa parole dans le sens Allah Azza wa Jalla où il dit ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت, que la mort viendra de toutes parts alors qu'il ne sera pas mort, c'est-à-dire dans le feu. Ibrahim verset 17. Également dans le hadith qui est venu où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال إن الموت يجاء به يوم القيامة في سورة كبش أملح فيذبح, que la mort sera apportée يوم القيامة sous la forme d'un mouton qui sera égorgé. Et pour dire qu'il n'y aura plus de mort. فيقال يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود فلا موت, qu'il sera dit que ô vous gens du Jannah, du paradis, plus de mort, c'est que l'éternité. Et vous, ô vous, gens du feu, plus de mort que l'éternité. Donc tout cela montre bien qu'ils ne mourront pas. Troisième question sur laquelle il va répondre, le fait qu'ils sortiront du feu. Le fait de dire qu'ils sortiront du feu. فَنَصَّ تَعَالَى عَلَى عَدَمِهِ بِقَوْلِهِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ, dans le sens où Allah dit, et qu'ils ne sortiront pas du feu. Al-Baqara, verset 167. وقوله وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم, qui n'en sortiront pas et qu'ils auront un châtiment permanent. Al-Ma'ida, tableau de service, verset 37. Donc tous ces versets sont en train de réfuter les quatre catégories c'était auparavant, donc ce qui fait que la cinquième, Mimbab Aoulé, à plus forte raison elle-même, se verra invalide. Quatrième, qui est le tarfif, le fait que le azab sera allégé et amoindri. قال نص تعالى على عدمه بقوله ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور, et que son châtiment ne sera pas allégé sur eux. Et c'est comme cela que nous rétribuons tout grand mécréant. Fatir le créateur, verset 36. وقال تعالى فلن نزيدكم إلا عذابا, que nous ferons que vous rajoutez du châtiment. النبأ, la nouvelle, verset 30. وقوله فَلَا يُخَفَفُ عَنْهُمْ وَلَهُمْ يَنْذُرُونَ, فَلَا يُخَفَفُ عَنْهُمْ وَلَهُمْ يَنْذُرُونَ, que le châtiment ne sera pas allégé et qu'il ne sera pas reporté. Allah a'lam, si on pourrait traduire comme ça, mais un doute. En tout cas, le shahid, فَلَا يُخَفَفُ عَنْهُمْ, d'accord, que le châtiment ne leur sera pas allégé. Al-Nahl, verset 85. وقوله تعالى ولهم عذاب مقيم, et qu'ils auront un châtiment permanent. Al-Maïda, verset 37. Donc il dit والقول بفنائها يلزم تخفيف العذاب وتفتيره المنفيان في هذه الآيات بل يلزمه ذهابها أو ذهابهما رأسا كما أنه يلزمون في ملازمة العذاب المنصوص عليها بقوله تعالى فسوف يكون لزاما. Donc le fait de dire que le feu finira par s'éteindre et par cesser, cela implique quoi ? Qu'il sera minimisé, qu'il sera allégé. Et tout cela vient d'être réfuté. D'accord ? Tout cela vient d'être réfuté. Qu'il sera ni éteint, ni ne cessera, ni ne sera allégé. Comme a qala ta'ala, fi surat Furqan, fa sawfa yakunu lizama. Vous voyez ? que le châtiment leur sera permanent. Le châtiment leur sera permanent. Et certains ulama, نقرأ ما قال المؤلف وما احتج به بعض العلماء من أنه لو فرض أن الله أخبرهم بعدم فنائها أن ذلك لا يمنع فنائها لأنه وعيد وإخلاف الوعيد من الحسن ولا من القبيح وأن الله تعالى ذكر أنه لا يخلف وعده ولم يذكر أنه لا يخلف وعيده. Donc des gens disent, quoi qu'il en soit par rapport à cela, certains ulama ils ont dit quoi? Que tout cela n'empêche pas que Allah puisse éteindre le feu, tout cela dit l'Allah, car Allah Azzawajal, car tout cela à la fois ne fait partie de sa menace. Toutes ces choses-là font partie de sa menace. Et le fait de délaisser la menace, c'est-à-dire l'application de la sens d'une menace, cela est une bonne chose, non pas une mauvaise. Car Allah Azzawajal a seulement dit qu'il n'enfreindrait pas sa promesse, c'est-à-dire le wa'd, ça se traduit par promesse, mais il n'a pas dit qu'il ne ferait pas cela pour son wa'id, pour sa menace. À bien confondre, à ne pas confondre entre al-wa'd ou al-wa'id. Inna Allah la yukhliful mi'ad, que Allah, quand même, n'enfreindra pas sa promesse qu'il a promis. Ils disent que Allah il a dit cela, mais Allah n'a pas dit qu'il n'enfreindra pas sa menace. Qu'il n'enfreindra pas sa menace. Donc il voit que le fait d'enfreindre une menace, c'est-à-dire tu menaces quelqu'un d'une chose, mais au final tu ne l'appliques pas, il voit que ça peut être une bonne chose. Quand là, si on disait cela, le shir dit أنه يلزمه جواز ألا يدخل النار كافر لأن الخبر بذلك وعيد ويخلافه على هذا الكل لا بأس به. Il dit donc, si on prenait votre cours, ça veut dire que le kafir n'entrerait pas au nar également. Car le fait de rentrer au nar, de rentrer au feu, c'est un wa'id, c'est une menace. Donc si le châtiment peut cesser ou qu'on peut les sortir du feu, du fait que Allah peut ne pas appliquer sa menace, ben on peut dire également qu'il peut ne pas appliquer sa menace en faisant en sorte que le kafir ne rentre pas au nar. Et ça, c'est une chose qui amènera quoi ? À démentir. À démentir tous ces versets et à démentir ce que les prophètes ont apporté. Et ce qui montre que la parole d'Allah Azzawajal ne change pas, comme قال ومن الأدلة الصريحة في ذلك تصريحه تعالى بأن قوله لا يبدل فيما أوعد به أهل النار حيث قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. Et ce qui prouve bien que tout cela est faux, ces suppositions sont fausses, c'est que Allah Azzawajal a dit que sa parole ne changera pas. Sa menace ne change pas par rapport aux gens du feu. Dans le sens où il dit « Et ne vous disputez pas auprès de moi aujourd'hui, car je vous avais déjà apporté ma menace. Et ma parole ne changera pas. » C'est-à-dire mon décret, mon décret ne peut être changé. Il doit s'appliquer obligatoirement et je ne suis pas injuste envers les serviteurs. Sourate Qaf, versets 28 et 29. Donc après, j'ai passé certains passages pour écourter le ders. Et il finit en disant وعذاب الكفار لإهانة والانتقام لا لتطهير والتمحيص كما أشار له تعالى بقوله ولا يزكيهم وبقوله لهم عذاب مهين والعلم عند الله تعالى. Donc il dit pour finir que ce azab, ce châtiment pour les kuffar, cela est un rabaissement pour eux, une humiliation et une vengeance du mal qu'ils ont fait, contrairement au azab des croyants qui pourrait être une purification pour purifier le mal qu'ils ont fait avant d'entrer au Jannah. Comme Allah dans le sens où il dit, et qu'il ne purifiera pas, c'est-à-dire les koufars. Al-Baqarah verset 184. Ou plutôt 174 et Al-Imran verset 77. Également dans sa parole où il dit qu'ils auront un châtiment avilissant. Al-Imran verset 178. Donc la science est auprès d'Allah Azzawajal. Donc de là on en sort avec le fait que le nar, le feu, pour les koufars, ils seront éternellement. Et que le châtiment ne sera pas allégé ni minimisé, qu'ils ne mourront pas et qu'ils n'en sortiront pas. Hada wal qawl as-sahih fil mas'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin.